Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Ben, les Saguenay de Chicoutimi hier ont remporté une belle victoire de 3-2 contre l'Océanique de Rimouski et Alexis Lafrenière. Chez les Saguenayens, notons que Justin Ducharme a marqué un but, de même que Samuel Houle et Artemi Niagev qui a marqué le but en prolongation. C'était Zachary Boutier qui était devant le filet. L'Avalanche du Colorado maintenant, l'Avalanche hier qui a remporté une victoire de 7-3. Sur les Kings de Los Angeles, Samuel Girard de Roberval a été blanchi, a joué pendant 20 minutes 23 et a terminé le match à moins 1. On a parlé avec Mario Tremblay hier dans la section entrevue de DonRadioSport.com. Rappelons que Mario Tremblay sera intronisé au temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et Mario n'avait pas du tout, ou ne s'attendait pas du tout à être sélectionné. Il pensait même que la Ligue de hockey junior majeur du Québec l'avait oublié. Parce que, comme je t'ai dit tantôt avant l'entrevue, je pensais qu'il m'avait oublié. Ça fait que... Mais écoute, quand M. Courteau m'a appelé il y a environ 3 semaines pour me faire l'annonce de ça, j'étais vraiment content. Content parce que, enfin, je le reçois d'une belle façon. Parce que lorsque quelqu'un est intronisé au temple de la renommée, peu importe dans quel sport que ce soit... Moi, je pense à mes petits-enfants là-dedans, tu comprends? Mario Tremblay, Normand Dupont qui a joué quand même des matchs avec Winnipeg. Il a été repêché par Canadien aussi. Il y avait André Saint-Laurent, Blair McKenzie avec qui j'ai travaillé avec le Wild du Minnesota. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est que oublie pas, là, on part dans... Mario Tremblay se rappelle d'un homme qui l'a aidé beaucoup lorsqu'il est arrivé à Montréal, Roger Bédard. Hièrement d'aller voir des pratiques du Canadien, mais celui qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est mon entraîneur Roger Bédard. Okay. Je pense que M. Bédard, qui était coach et directeur général de l'équipe, c'était en somme un peu comme mon deuxième père. C'est lui qui a remplacé Gondrag en somme, puis il faisait passer à mon père aussi. C'est pas mal deux gars semblables. Alors, on est devenus quand même très, très, très amis, même si j'étais jeune. Ouais. Alors, M. Bédard m'a guidé là, de la bonne façon dans mes deux années juniors. Mario, dans le temps... Et je termine avec des résultats du simple lettre. Il y avait différents matchs dans les différentes ligues simple lettre. D'abord, on va commencer avec du Novice B. Victoire des Sabres de Roberval. 4-3 sur les Sabres de Roberval 1. Également, les Loups de Dolbeau-Mistassini ont vaincu les Éperviers de Normandin 8-1. Victoire du côté également des Sabres de Roberval 2. Ils ont défait les Castors de Dolbeau 4-3. Et également, une autre victoire des Sénateurs de Saint-Félicien 5-2 sur les Loups de Dolbeau-Mistassini. Du côté maintenant de l'Atome B, les Loups de Lac-Saint-Jean-Nord ont défait les Genois d'Allemagne 4-0. Verdict nul de 1-1 entre les Patriotes de Saint-Bruno et les Castors de Dolbeau. Victoire verdict nul de 1-1 entre les Hurricanes de Mastouillache et également les Patriotes de Saint-Bruno. Et les Genois d'Allemagne ont défait les Sabres d'Orberval 3-0. Je vous invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, je me suis entretenu avec plusieurs intervenants dans le monde du sport. Mario Tremblay qui vient nous parler de sa sélection au temple de la renommée. Également, vous pouvez écouter l'entrevue de Jésus avec Marc Fortier où on fait le tour des nouvelles dans la Ligue nationale de hockey. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.